Le 15 et 16 juin a eu lieu le quatrième dialogue d'Oulan-Bator sur la sécurité en Asie Nord-Est à Oulan-Bator de Mongolie, sous les auspices communs du ministère des Relations extérieures et de l'Institut de la stratégie de Mongolie. Y ont participé la délégation de l'Institut des États-Unis du ministère coréen des Affaires étrangères, les délégations des établissements d'études de la politique de divers pays comme la Russie, la Chine, la Mongolie, les États-Unis et le Japon et des institutions internationales. On a discuté des moyens pour la paix, la sécurité et la coopération économique en Asie Nord-Est. La délégation coréenne a dénoncé le caractère réactionnaire et l'injustice de l'hostilité américaine à l'égard de la Corée et affirmé l'attitude de principe de la République populaire démocratique de Corée, selon laquelle elle défendra par sa force la paix et la sécurité de l'État face à l'arbitraire et au diktat des États-Unis et répondra avec plaisir à toute façon désirée par les États-Unis.